Parmi les enseignements qu'il doit tirer, il y a l'importance de parler dans la religion avec des adillah. L'importance de parler dans la religion avec des preuves. Et ceci est la voie des gens de la sunna. Donc il convient que l'étudiant se base toujours sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il mentionne les preuves. Donc dans le premier verset que l'auteur a mentionné, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant du prophète Ibrahim alayhi salam, je désavoue totalement ce que vous adorez. Ceci est la négation. Cette parole, je désavoue totalement ce que vous adorez. Ceci est la négation. La ilah. Car la négation consiste à nier la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il dit selon le sens, à l'exception de celui qui m'a créé, ceci est l'affirmation, car elle consiste à affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala unique et sans associé dans son adoration. Et dans le deuxième verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Cette parole commune, c'est la ilaha illallah. Et donc ici, il n'est pas question d'avoir la conviction que seul Allah crée ou que seul Allah donne la subsistance. Mais ici, il est plutôt question de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Ensuite, l'auteur, il dit, la preuve au sujet de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réside dans la parole d'Allah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. La preuve au sujet de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah réside dans la parole d'Allah. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah est le suivant. Obéir à ses commandements, attester de la véracité des informations dont il nous fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé, et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Donc ici l'auteur mentionne le sens de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et le sens de cette attestation, ikhwani fillah, inclut quatre choses. La première, c'est obéir à ses commandements. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose, il faut lui obéir. Et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à obéir à Allah. Et l'obéissance à Allah est obligatoire, tout comme l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, attester de la véracité des informations dont il nous a fait part. C'est-à-dire à partir du moment où cette information est authentique, tu es dans l'obligation de croire en cette information et d'attester de sa véracité, même si cela fait partie de l'invisible. Le troisième point, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé. Et ceci est une obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Et l'ordre dans ce hadith indique l'obligation, l'ordre dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en », l'ordre ici montre l'obligation. Et le quatrième point, n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. C'est-à-dire qu'on doit se conformer à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos adorations. Ensuite, l'auteur, par la suite, il mentionne les preuves des quatre autres piliers de l'islam. Il dit « La preuve au sujet de la prière, de l'aumône, légale et de l'explication du tawhid réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ » Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture. La preuve au sujet du jeûne réside dans la parole d'Allah. « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. La preuve au sujet du pèlerinage se trouve dans la parole d'Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et donc ensuite, après cela, l'auteur, il nous mentionne un sujet qui est très important. Et ce sujet, c'est le sujet de la foi. Et la foi, ikhwani fillah, est un fondement très important des gens de la sunna. Et il y a plusieurs points qui nous montrent cela. Le premier point qui nous montre que la foi est un fondement important des gens de la sunna et que tu ne verras pas un livre traitant de la croyance des gens de la sunna sans que la foi y soit mentionnée. Tu ne vas pas trouver un livre, que ce soit un livre d'un savant contemporain ou par exemple les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah par exemple, ou de savants qui ont parlé de la croyance des gens de la sunna, tu verras toujours la foi mentionnée. Et ceci te montre que la foi est un fondement très important chez les gens de la sunna. Le deuxième point est que les gens de la sunna considèrent celui qui contredit ce fondement comme ne faisant pas partie des gens de la sunna. Et ces deux points te montrent l'importance que les gens de la sunna donnent à ce fondement. C'est pour cela que nous allons expliquer ce sujet en détail, Inch'Allah ta'ala. Et l'une des choses qu'il faut savoir concernant l'iman, donc la foi, est que les gens de la sunna la définissent de différentes manières. Certains d'entre eux disent que la foi est composée de paroles, d'actions et de connaissances. Dans certains livres, vous trouvez que la foi, elle est composée de paroles, d'actions et de connaissances. Tandis que d'autres savants de la sunna disent qu'elle est composée de paroles et d'actions. Et dans certains livres encore, on trouve aussi qu'elle est composée de paroles, actions et intentions. Et pour finir, certains savants, ils te disent qu'elle est composée de paroles avec la langue, actions avec les membres et croyances avec le cœur. Donc ici, nous avons quatre phrases différentes. Quatre phrases différentes. Et la question qu'on peut se poser ici est, y a-t-il une différence entre ces quatre phrases, ou bien ces quatre phrases sont identiques et sont exactes? Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous donne la réponse dans son livre intitulé « Al-Iman ». Dans son livre intitulé « La foi », il nous dit que toutes ces phrases reviennent à un sens. Toutes ces phrases reviennent à un seul sens, qui est que la foi est composée de trois choses: parole, action et croyance. Donc ces phrases-là qu'on a mentionnées, donc précédemment ces quatre phrases, que la foi est composée de parole, action, connaissance, ou bien parole et action seulement, parole, action, intention, ou parole avec la langue, action avec les membres et croyance avec le cœur, ceci revient à un seul sens. Et ce sens-là est que la foi est composée de trois éléments: la parole, l'action et la croyance. C'est-à-dire parole avec la langue. Comme quoi par exemple? Comme le fait de dire « La ilaha illallah ». Ensuite nous avons action avec les membres, tels que la prière, le pèlerinage par exemple, et croyance avec le cœur, comme le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Donc si tu vois l'une de ces quatre phrases dans un livre des gens de la sunna, sache qu'il n'y a pas de problème, incha'Allah. Mais ce qui revient le plus souvent dans les livres de croyance concernant la foi, c'est qu'elle est composée de parole, action et croyance. Et aussi on retrouve qu'elle est composée de paroles et d'action. Et si tu vois dans un livre que la foi est composée de paroles et d'action, alors sachez dans ce cas-là que la parole se divise en deux. Que la parole se divise en deux. Et l'action se divise en deux. Lorsque il est dit Al-Iman qawlun wa amal, lorsqu'il est dit la foi est composée de paroles et d'actions, la parole se divise en deux et l'action se divise en deux. Concernant la parole, il y a la parole avec la langue, comme le fait de dire la ilaha illallah. Donc ça c'est la première catégorie de parole. Et la deuxième catégorie de parole est la parole avec le cœur. La parole avec le cœur. Qawlul qalb. La parole avec le cœur. Et ce qui est voulu par la parole avec le cœur, c'est la croyance. Ce qui est voulu par la parole avec le cœur, c'est la croyance. Tel que le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, par exemple. Donc lorsque nous voyons parole et action, ce qui est voulu par la parole, c'est la parole avec la langue et la parole avec le cœur. Et concernant l'action, il y a l'action avec le corps, telle que la prière, le jeûne, le pèlerinage, et toutes les autres actions et adorations qui sont faites avec le corps. Et il y a l'action avec le cœur. L'action avec le cœur, telle que l'espoir, telle que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, les actes du cœur qui sont connus. Donc lorsque nous voyons qaoul wa amal, parole et action, c'est ce qui est voulu par parole et action. Mais comme nous l'avons dit précédemment, toutes ces phrases reviennent au fait que la foi est composée de parole, action et croyance. Et il y a de nombreuses preuves indiquant cela dans le Coran et la Sunna. Car il est important, d'accord, ça c'est comme on appelle ça, une muqaddima. Ça c'est une introduction. L'introduction, d'accord, qu'il est bon de savoir et de connaître, c'est que les gens de la Sunna ont défini la foi, ils ont plusieurs paroles, ils ont plusieurs expressions par rapport à la foi. Comme ça, toi, lorsque tu lis un livre, peut-être dans certains livres, tu vas voir qawl wa amal, tu vas voir parole et action. Alors tu vas dire Alhamdulillah, l'action, ce qui est voulu par la parole, c'est la parole avec la langue et avec le cœur. Et ce qui est voulu par l'action, c'est l'action avec les membres, avec le corps et aussi avec le cœur. D'accord ? Et après cela, il faut savoir et connaître les preuves. Les preuves qui viennent appuyer, nous dire et qui viennent montrer, d'accord, la véracité et l'authenticité de cette croyance. Et concernant les preuves montrant et indiquant que la parole fait partie de la foi, nous avons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « La foi présente un peu plus de 70 branches, dont la plus élevée est le fait de dire « La ilaha illallah ». Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que dire « La ilaha illallah » fait partie de la foi, fait partie de la foi. Et donc ce verset indique, plutôt ce hadith, indique clairement que le fait de dire « La ilaha illallah » fait partie de la foi. Et à propos des preuves concernant les actes, nous avons le verset 143 de Sourat al-Baqarah. Nous avons le verset 143 de Sourat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée, « Allah ne vous fera pas perdre la récompense de votre foi. » Et la cause de la révélation de ce verset est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant leur prière en direction de Beit al-Maqdis, après l'ordre de prier en direction de la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Et il a appelé leur prière foi. Car dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, Allah ne vous fera pas perdre la récompense de votre foi. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé la prière par le terme foi. Et donc, cela montre, comme les savants l'ont mentionné, que la prière fait partie de la foi. Que la prière fait partie de la foi. Et en ce qui concerne la croyance, les preuves indiquant que la croyance fait partie de la foi, nous avons le hadith de Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami, qui est rapporté par Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt ce compagnon, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, j'ai une servante que j'ai giflée. Dois-je la franchir ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, « Amène-la-moi. » Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam amena alors la servante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Ayn Allah ? Où est Allah ?» Elle répondit « Fi sama, au-dessus des cieux. » Ensuite, il lui dit « Man ana ? Qui suis-je ? » Et la servante répondit « Anta Rasulullah. Tu es le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à ce compagnon « A'tiqha fa innaha mu'mina. » Affranchis-la, car elle est croyante. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a testé sa foi par deux questions. La première question, où est Allah ? Et elle a dit fi sama. Et la deuxième question, man ana, qui suis-je ? Et elle a répondu anta rasulullah, tu es le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a jugé qu'elle était croyante par rapport à des choses de sa croyance. Et donc ça, c'est une preuve qui nous montre que la croyance fait partie fait partie de la foi. Et selon la croyance des gens de la Sunna, la foi augmente et elle diminue. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés. Plus la personne va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des bonnes œuvres, plus sa foi va augmenter. Et plus la personne va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus sa foi va diminuer. Et plus sa foi va diminuer. Et les preuves du Coran indiquant que la foi augmente sont nombreuses. Les preuves du Coran montrant que la foi augmente sont nombreuses. Nous avons par exemple le verset 31 de Sourate Al-Muddathir. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. الآية. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon la traduction rapprochée, nous n'avons assigné que des anges à la garde de l'enfer. Et nous en avons mentionné le nombre, que pour éprouver les mécréants, mais aussi pour que les gens du livre soient convaincus que le Coran est vérité. Ensuite, il dit que la foi des croyants augmente. Et donc, ce verset nous montre très clairement que la foi augmente. Et nous avons aussi un verset très clair. Dans Sourate At-Tawbah, dans le verset 124 de Sourate At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Selon la traduction, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: lorsqu'une sourate est révélée, des hypocrites se disent entre eux: duquel d'entre vous cette sourate a-t-elle fait augmenter la foi? Pour ceux qui sont des croyants, elle augmente leur foi. Il dit selon la traduction: pour ceux qui sont des croyants, elle augmente leur foi et ils s'en réjouissent. Et donc ces deux versets, dans Sourate Al-Muddathir et dans Sourate At-Tawbah, nous montrent clairement que la foi augmente. Et les savants, ils ont mentionné une règle. Comme l'a mentionné de nombreux savants tels que Cheikh Najmi, rahmahullah, rahmatan wasi'a et d'autres, ils ont mentionné que ce qui... Ils ont mentionné que ce qui augmente diminue. Forcément, c'est la chose qui va augmenter, elle va diminuer. La chose qui augmente, elle va diminuer. Donc la foi augmente. Et les preuves à ce sujet sont claires. Et elle diminue. Et pour... On peut mentionner aussi comme preuve de la diminution de la foi le hadith de Abu Saïd al-Khudri. Radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui voit une chose blâmable, qu'il la change avec sa main. وإن لم يستطع فبلسانه. Et si il ne peut pas, alors avec sa langue. وإن لم يستطع فبقلبه. S'il ne peut pas, alors avec son cœur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit ce hadith en disant « وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » Et ceci est le plus bas degré de la foi. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Et donc là, on voit que le fait de changer, ou plutôt de réprimander ce mal avec notre cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Et ça nous montre que la foi diminue. Donc ça, c'est la croyance des gens de la sunna concernant la foi. Après avoir mentionné la croyance des gens de la sunna concernant ce fondement immense, nous allons mentionner ce que disent certains groupes déviants. Et nous allons commencer par la secte des Khawarij. Selon les Khawarij, premièrement, la foi n'augmente pas et elle ne diminue pas. Et la personne qui viendrait à faire un grand péché, elle sort de l'islam. Un musulman qui viendra à faire un grand péché, il sort de l'islam. C'est-à-dire, il rend mécréant toute personne qui fait un grand péché. Celui qui boit de l'alcool pour eux, kafir, c'est un mécréant. Celui qui vole, kafir, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Et il se base sur certaines preuves. Mais avant de mentionner ces preuves, il faut savoir quelque chose de très important concernant les Khawarij. Les Khawarij, ils ont une méthodologie que les savants ont détaillée dans leurs livres. Et leur méthodologie est, comme les savants l'ont mentionné, يَعْتَقِدُونَ ثُمَّ يَسْتَدِلُّونَ. Qu'est-ce que ça veut dire يَعْتَقِدُونَ ثُمَّ يَسْتَدِلُّونَ? C'est-à-dire que les Khawarij, eux, concernant ce sujet-là, ils vont te dire, celui qui fait des grands péchés, c'est un kafir. D'accord? Donc ils vont avoir la conviction de cette chose-là. Donc là, c'est le sens de يَعْتَقِدُونَ. C'est-à-dire, ils vont avoir la conviction que celui qui fait des grands péchés sort de l'islam. Par la suite, ils vont chercher une preuve du Coran, d'accord? Ils vont chercher une preuve du Coran qui, on va dire, va dans ce sens-là. Sans regarder l'ensemble des preuves. Ils vont prendre une preuve et ils vont te dire que dans ce hadith-là, d'accord? Ce hadith-là indique que celui qui fait un grand péché, il sort de l'islam. Alors qu'en vérité, la méthodologie des gens de la sunna, c'est le contraire. Ce n'est pas avoir la conviction d'une chose, ensuite chercher une preuve pour appuyer ses dires. Mais plutôt, c'est « yestadilloun thumma ya'taqidoun ». Et ça, c'est la voie des gens de la sunna. C'est-à-dire qu'ils regardent les preuves. Ils regardent les versets du Coran parlant d'un sujet. Ils regardent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après avoir regardé l'ensemble des preuves, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la conviction d'une chose. Et ils basent leur conviction et leur croyance sur ces preuves-là. Et c'est ce que les gens de la sunna ont fait, notamment dans la aqida. Au contraire de ces gens-là, ils vont te dire aujourd'hui, celui qui boit de l'alcool, c'est un kafir. Taïb, tu vas lui dire pourquoi? Il va te dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fornicateur, lorsqu'il fornique, n'est pas croyant. Et donc, ils ont pris ce hadith et ils ont dit, donc ça veut dire que celui qui fornique n'est pas croyant. S'il n'est pas croyant, il est forcément kafir. Il est forcément mécréant. Donc, la fornication est un grand péché. Et donc, ceci est valable pour tous les grands péchés. Pour tous les grands péchés. Celui qui boit de l'alcool, c'est un kafir. Celui qui fait riba, c'est un kafir. Celui qui juge par les lois d'autre qu'Allah, c'est un kafir. Et donc ça, c'est leur croyance. C'est leur croyance. Celui qui fait un grand péché, il sort de l'islam. Pour eux, comme les meshikhs disaient au Yémen, l'islam pour eux, c'est un seul bloc. C'est un seul bloc. C'est un seul bloc. Si il manque quelque chose de ce bloc, ou il y a une partie du bloc qui s'effondre, alors tout s'effondre. Et il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. C'est pour cela qu'ils te disent que celui qui fait des grands péchés, il sort de l'islam. Et donc ici, il est bon, incha'Allah ta'ala, de prendre quelques minutes pour les réfuter. Et premièrement, on va réfuter la preuve, ou plutôt la manière de laquelle ils ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « La yezni zani hina yezni wa huwa mu'min » Le fornicateur, lorsqu'il fornique, il n'a pas la foi, il n'est pas croyant. Donc eux, ils ont dit que ceci montre que celui qui fait la fornication, c'est un kafir. Alors que Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il mentionne dans son livre intitulé Al-Iman que la négation de la foi a plusieurs sens. La négation de la foi dans le Coran et dans la Sunna a plusieurs sens. Le premier sens, c'est que la personne qui fait cette action sort de l'islam. Lorsque on fait la négation de la foi d'une personne qui va faire une action, d'accord, le premier sens, c'est que cette personne-là sort de l'islam. Le deuxième sens, c'est que cette personne-là n'a pas la foi complète. Et la plupart des textes où il y a la négation de la foi, cela montre que la personne n'a pas la foi complète. N'a pas la foi complète. Et donc ce hadith-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Le fornicateur, lorsqu'il fornique, n'est pas croyant », c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi complète. C'est-à-dire qu'il n'a pas la foi complète. Mais ça ne veut pas dire que celui qui fait un grand péché sort de l'islam. Et la preuve de cela, la preuve qui vient nous montrer que celui qui fait des grands péchés ne sort pas de l'islam, il y a de nombreuses preuves à cela dans le Coran et dans la Sunna. Mais par exemple, nous avons le verset 9 et 10 dans Surat Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9 et 10 de Surat Al-Hujurat, si deux groupes de croyants se combattent. Donc là ici, la question qu'on se pose, quel est le jugement, d'accord, de combattre son frère? Qu'un musulman combatte son frère? La réponse à cela, c'est que c'est un grand péché. Combattre un musulman, d'accord, est un grand péché. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un se montre réticent et transgresse envers l'autre, combattez l'agresseur jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. S'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime ceux qui sont équitables. Il dit par la suite, les croyants sont frères. les croyants son frère. Donc là, ici, il dit les croyants son frère et sa parole revient à ceux qui s'entretuent, à ceux qui se combattent. Donc malgré qu'ils ont fait un grand péché, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Les croyants sont frères. Et donc ça montre que malgré qu'ils ont commis un grand péché, ils ne sont pas sortis de l'islam. Ils ne sont pas sortis de l'islam. Donc ça, c'est une preuve du Coran qui est claire, montrant que celui qui fait un grand péché ne sort pas de l'islam. Et nous avons aussi des preuves dans la sunna nous montrant cela. Nous avons par exemple l'histoire du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdullah. Abdullah était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui buvait de l'alcool. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le ramenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fouettait. Il le fouettait pour avoir bu de l'alcool. Et on l'a ramené plusieurs fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, alors qu'on l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours par rapport à ce problème-là, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a maudit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les compagnons de le maudire et il a mentionné et informé les compagnons que ce compagnon aimait Allah et son prophète. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu mécréant ce compagnon. Il ne l'a pas rendu mécréant, mais il a plutôt dit qu'il a la foi et qu'il est croyant, car il aime Allah et son prophète. Et donc ceci est la croyance authentique à avoir. La croyance authentique est que celui qui fait des grands péchés ne sort pas de l'islam. Et la position des gens de la sunna concernant celui qui fait des grands péchés et qu'il ne lui donne pas la foi complète. Ils ne disent pas que cette personne-là a la foi complète. Car lorsque cette personne-là, elle a fait des grands péchés, d'accord, on ne peut pas lui attribuer la foi complète. Mais par contre, il reste musulman. Donc on va dire de cette personne que c'est un croyant avec une foi faible. Mais nous n'allons pas le sortir de l'islam. Car ceci est la voie des Khawarij. Ceux qu'on appelle Kilabun Nar, les chiens de l'enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés. Ensuite, nous avons une autre secte dont la croyance est proche de celle des Khawarij. Cette secte-là, on l'appelle Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, c'est une secte qui est apparue à l'époque des Tabi'in. Donc les Tabi'in, ce sont ceux qui sont venus après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les Tabi'in ont rencontré certains compagnons, certains grands compagnons, tels que Anas ibn Malik, radiallahu an, ou bien tels que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu wa an abi. Et donc, à l'époque des Tabi'in, cette secte est apparue. Et les savants, ils ont mentionné qu'un jour, Al-Hassan al-Basri, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, il était dans une assise. Et il fut questionné concernant le jugement de la personne qui fait des grands péchés. Et Al-Hassan al-Basri, il se mit à réfléchir. Et un homme du nom de Wasil ibn Atta, il s'est levé et il a dit « Huwa fi manzila bayna manzilatayn ». Il est entre deux niveaux. Et ceci est la croyance des Mu'tazila concernant celui qui fait des grands péchés. C'est-à-dire que selon eux, il est entre deux niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, celui qui fait des grands péchés, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Mais d'un autre côté, il n'est pas mécréant. Il est plutôt entre la foi et la mécréance. Il est dans ce qu'on appelle le niveau de la perversité. C'est-à-dire qu'il n'est pas croyant, il n'est pas mécréant. Il est entre la foi et la mécréance. Il est dans un niveau, selon eux, qui s'appelle la perversité. Là, la perversité. Mais par contre, tout comme les Khawarij, et on a oublié de le mentionner il y a quelques minutes, c'est que selon les Khawarij et aussi les Mu'tazila, celui qui meurt sur un grand péché et qui ne se repent pas de ce péché-là, il va en enfer éternellement. Selon eux, si Zayd boit de l'alcool, dans la dunya, dans cette vie d'ici-bas, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Et s'il ne se repent pas de ce péché, il va éternellement en enfer. Que ce soit les Khawarij et les Mu'tazila, c'est pareil. Ils ont la même croyance. Après, concernant celui qui fait des grands péchés dans cette dunya, dans la vie d'ici-bas, les Mu'tazila, ils te disent entre deux. Pas croyant, pas mécréant, il est plutôt dans la perversité. Alors que les Khawarij, ils te disent qu'il est, il est mécréant. Mais dans tous les cas, que ce soit le Khawarij et le Mu'tazila, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux, et on a déjà mentionné les preuves concernant cela. Ensuite, nous avons une secte qui s'appelle Al-Karramiyya. Nous avons une secte qui s'appelle Al-Karramiyya. Et cette secte-là, ils disent que la foi, d'accord, la foi, c'est juste un autre bil-lisan. C'est juste le fait de prononcer avec sa langue. C'est juste le simple fait de prononcer avec sa langue. Donc si, par exemple, une personne va dire « La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah » seulement il prononce ça avec sa langue, mais il ne croit pas en Allah, rien du tout, pour lui, il est croyant. Pour lui, ou plutôt Afwan, pour eux, cette personne-là est croyante. D'accord ? Et certaines personnes, certains savants, ont rendu cette secte mécréante. Notamment, le grand savant Ibn Hazm, Al-Andalusi, rahmahullah, dans son livre intitulé Al-Muhalla, d'accord, il est d'avis que ces gens-là ne sont pas musulmans et ce sont des mécréants, justement par rapport à cette parole. Le simple fait de dire avec sa langue, de prononcer Al-Shahadatayn sans pour autant croire en Allah, sans pour autant vouloir rentrer dans l'islam, ceci ne suffit pas, comme vous le savez, pour rentrer dans l'islam et pour être du nombre des croyants. Car si cela aurait été le cas, les munafiqoun, donc les hypocrites, auraient été croyants. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait al-shahada. Mais pour autant, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'ils finiront dans le feu de l'enfer. Dans le feu de l'enfer. Ensuite, nous avons la parole de la secte qu'on appelle Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya, comme vous le savez, c'est une secte, ce sont les suiveurs de Al-Jahm ibn Safwan. Ce sont les suiveurs d'un homme du nom de Al-Jahm ibn Safwan. Et beaucoup de personnes pensent que c'est Al-Jahm ibn Safwan, l'investigateur de cette secte et le fondateur de cette secte. Et ceci est une erreur. Car en vérité, les savants nous disent que le fondateur de cette secte s'appelle Al-Ja'd ibn Dirham. Il s'appelle Ja'd ibn Dirham. Mais lorsqu'il a fondé cette secte, d'accord, il ne pouvait pas propager cette croyance. Car à l'époque, il y avait beaucoup de gens de la Sunna. À cette époque, il y avait beaucoup de gens de la Sunna. Et la Sunna était très propagée, walillah alhamd. Et donc, il ne pouvait pas propager ces ambiguïtés et cette croyance erronée. Donc, une personne du nom de Jahm ibn Safwan a appris cette aqida, cette croyance erronée, donc de Ja'd ibn Dirham, et ensuite, lorsque il y a eu moins de gens de la sunna, et que les gens de la sunna, donc ont, on ne peut pas dire faibli, mais ils étaient moins, et elle était moins propagée, il a commencé à propager cette croyance. Et parmi la croyance de la secte d'Al-Jahmiya, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, selon eux, n'a pas de nom et n'a pas d'attribut. Dans leur croyance, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de nom et n'a pas d'attribut. Et ils ont beaucoup d'égarements de la sorte. Et donc, selon la secte qu'on appelle Al-Jahmiya, la foi, c'est seulement la connaissance. La foi, c'est seulement la connaissance. Celui qui connaît Allah, il est croyant. Celui qui connaît Allah, il est croyant. Et il n'y a pas de doute que cette parole-là est un égarement évident. Car avec cette parole-là, Iblis est croyant. Car Iblis connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Connaît Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que Iblis connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, on ne peut pas dire que Iblis est un croyant. Mais selon la croyance des Al-Jahmiya et selon leur croyance dans la foi, alors ils disent que Iblis est croyant car il connaît Allah subhanahu wa ta'ala et ceci est un égarement flagrant. Et aussi nous avons la secte qu'on appelle Murji'atul Fuqaha. Nous avons la secte qu'on appelle Murji'atu al-Fuqaha. Et cette secte-là, ils sont d'avis que la foi, est uniquement composée de paroles et de croyances. Et que les actions ne font pas partie de la foi. Et ceci, pareil, est un égarement. Car nous avons mentionné très clairement les preuves du Coran montrant que les actions font partie de la foi. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Donc ensuite, l'auteur, il dit, le deuxième degré est la foi, qui présente un peu plus de 70 branches, dont la plus élevée est le fait de dire « Il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. » Et la plus basse est dotée de la route un objet gênant. Et la pudeur est une des branches de la foi. Ensuite, il dit, ces piliers sont au nombre de 10, croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et croire au destin qu'il soit favorable ou défavorable. La preuve concernant ces piliers réside dans la parole d'Allah. « Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmi al-akhiri wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. » La preuve concernant ces piliers réside dans la parole d'Allah. La bonté pieuse ne constitue pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier aux anges, aux livres, aux prophètes. Et la preuve concernant le destin réside dans la parole d'Allah. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Ensuite, l'auteur, après cela, il mentionne Al-Ihsan, la bienfaisance. Et il dit, le troisième degré, la bienfaisance, qui n'a qu'un seul pilier, qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Wa qawluhu ta'ala, wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants, ainsi que sa parole, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment, celui qui entend tout, celui qui sait tout. Ensuite, il dit, et sa parole وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. Et après cela, l'auteur, pour finir le deuxième fondement, il a mentionné le hadith de Djibril. Et le hadith de Djibril, son explication est assez longue, mais il est bon de mentionner une règle concernant ce hadith. Et les savants, concernant cette règle, ils nous disent que l'islam et la foi, lorsqu'ils sont dans le même texte, ils ont un sens différent. Lorsqu'ils sont dans le même texte, dans le même hadith ou dans le même verset, l'islam aura le sens des actions apparentes. Et la foi aura le sens des actions cachées. Tout comme dans ce hadith. L'ange Jibril a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adoré qu'Allah, et que Mohammed est son messager, que tu accomplisses la prière, verses la zakat et jeûne le mois de Ramadan, et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah. Donc là, ici, il a donné l'explication de l'islam et là, il a énoncé des actes apparents. Et concernant la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la foi, il a dit: la foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par des actes cachés. Et donc les savants, ils ont tiré que l'islam ou l'iman, idha ijtama'a iftaraqa. C'est-à-dire lorsqu'ils sont dans le même texte, lorsqu'ils sont dans le même hadith ou lorsqu'ils sont dans le même verset, l'islam aura le sens des actes apparents et la foi aura le sens des actes cachés. Mais par contre, lorsqu'on trouve dans un hadith ou dans un verset l'islam mentionné seul, alors l'islam aura le sens des actions apparentes et des actions cachées. Pareil pour la foi. Lorsque la foi sera mentionnée seule dans un verset ou dans un hadith, elle aura le sens des actions cachées et aussi des actions apparentes. Et ceci est la règle que les savants ont tirée de ce hadith. Et aussi de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam.